إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فها قد قضعتم الأكثر من شهر الصيام شهر رمضان ولم يبقى منه إلا أياما يسيرة، فمن كان محسنا فيما مضى فليحمد الله وليزدد من البر والإحسان، ومن كان مسيئا قد فرط وقصر وتكاسل وتهاون فليتق الله فيما بقي وليتدارك نفسه فيها فيحسن إليها التوبة بالتوبة الصادقة والنصوح. والإكثار من الطاعات والقربات، فباب التوبة لا يزال مفتوحا والله يحب التوابين، وهو أرحم بالعباد من أنفسهم وأهليهم ومن في الأرض جميعا. ولا زال في زمن فاضل مبارك تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه الخطيئات، وإنما الأعمال بالخواتيم. وقد قال الله عز وجل مبشرا ومحفزا للتائبين إليه: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عباد الله، إنكم على مقربة من دخول وقت عبادة جليلة واجبة، ألا وهي زكاة الفطر. ودونكم فقهكم الله في دينه وشرعه جملة من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر، عسى الله أن ينفع بها إنه سميع مجيب. المسألة الأولى: تجب زكاة الفطر على المسلم الحي سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، لما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم العيد. وإلى وجوبها ذهب عامة فقهاء الأمصار من السلف فمن بعدهم. المسألة الثانية: الجنين الذي لا زال في بطن أمه لا يجب إخراج الزكاة عنه، زكاة الفطر، وإنما يستحب باتفاق العلماء المذاهب الأربعة، ونقله عنهم العلامة ابن مفلح رحمه الله وغيره. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يخرجونها عنهم، فقد صح عن التابعي الجليل أبي قلابة رحمه الله أنه قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه. المسألة الثالثة: المسلم الفقير له حالان، الحال الأول أن يكون معدوما لا شيء عنده، وهذا لا تجب عليه زكاة الفطر باتفاق أهل العلم، نقله عنهم الحافظ ابن المنذر رحمه الله. والحال الثاني أن يملك طعاما يزيد على ما يكفيه ويكفي من تلزمه نفقته من الأهل والعيال ليلة العيد ويومه، أو ما يقوم مقامه من نقود، وهذا تجب عليه زكاة الفطر عند أكثر أهل العلم رحمهم الله. المسألة الرابعة، زكاة الفطر عند أكثر الفقهاء تخرج من غالب قوت البلد الذي يعمل فيه بالكيل بالصاع، سواء كان تمرا أو شعيرا أو زبيبا أو ذرا أو ذرة أو دخنا أو عدسا أو فولا أو حمصا أو كسكسا أو أرزا أو غير ذلك. ومقدار ما يخرج في هذه الزكاة صاع، والصاع كيل معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده، وهو بالوزن المعاصر ما بين الكيلوين وأربعمائة جرام إلى الثلاثة. المسألة الخامسة، يجوز أن تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، لما صح عن التابعي الجليل نافع مولى ابن عمر رحمه الله أنه قال: وكانوا يعتون قبل الفطر، يعني قبل صلاة الفطر عيد الفطر بيوم أو يومين. والأفضل باتفاق أهل العلم أن تخرج يوم الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وذكر الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في كتابه الموطأ أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرج زكاة الفطر إذا طلع الفجر ويوم الفطر، يعني إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وليحذر المسلم من تأخرها وتأخيرها حتى تنتهي صلاة العيد. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني لا تعد زكاة الفطر، تعد صدقة من الصدقات. ومن أخرها عمدا حتى انقضى يوم العيد فقد أثم وكان مرتكبا لمحرم باتفاق أهل العلم، ونسبه إليهم ابن رشد الحفيد وابن رسلان رحمهم الله. ومن تأخر نسيانا أو جهلا أو بسبب عذر حتى انتهت صلاة العيد ويومه، كمن يكون في سفر وليس عنده ما يخرجه، أو لم يجد من تخرج إليه، أو اعتمد على أهله أن يخرجوها عنه وهم اعتمدوا عليه، فإنه يخرجها متى تيسر له ذلك واستطاع، ولا إثم عليه. المسألة السادسة، لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر من النقود، بل يجب أن تخرج من الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، فلا يجوز العدول عما فرض إلى غيره. والدراهم والدنانير كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه من بعده، ومع ذلك لم يخرجوها إلا من الطعام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تقدموا من فضلكم، يعني تقدموا قليلا. Approchez-vous un peu, surtout ceux qui sont derrière. Ceux qui sont devant, yani, approchez-vous un peu, mais surtout ceux qui sont derrière, il y a beaucoup d'espace. Et il y a des gens qui rentrent derrière vous. Amen. فالدنانير والدراهم كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ومع ذلك لم يخرجوها إلا من الطعام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وصح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ومن أخرجهما نقودا بدل الطعام لم تجزئه عند أكثر الفقهاء رحمهم الله منهم مالك والشافعي وأحمد ومن أخرجها طعاما أجزته عند جميع العلماء وبرئت ذمته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم سبحان الله خير الله Et sachez que nous avons déjà passé la plus grande partie du Ramadan maintenant. Et il nous reste que quelques jours pour terminer ce mois béni. Donc, celui qui a passé jusqu'à maintenant un bon mois du Ramadan et qui a fait beaucoup d'efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, qu'il continue dans le bien et dans la bonté. Tandis que celui qui a commencé de façon négligée, et qui a manqué dans l'adoration qu'il devait faire à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'a pas fait suffisamment d'efforts, ou qui a commis des péchés, eh bien qu'il fasse des efforts, et qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui reste du Ramadan, pour essayer de se rattraper, et qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala d'une repentance sincère, et qu'il se mette à faire de nombreuses adorations pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la porte de la repentance est grande ouverte pour celui qui veut s'améliorer et faire des efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent à lui et qui demandent pardon de leurs péchés et qui reviennent. Et il est le plus miséricordieux pour ses serviteurs et il est plus miséricordieux envers eux qu'ils sont eux-mêmes miséricordieux envers leur propre personne ou bien envers leur famille. Et donc il y a encore du temps, tout n'est pas perdu. J'ai entendu un frère qui a dit, j'ai perdu mon Ramadan, j'ai gaspillé mon Ramadan. Rien n'est gaspillé, rien n'est perdu tant qu'il y a encore des jours dans lesquels tu peux te corriger et augmenter les efforts et expier les péchés que tu as commis. Et les œuvres qu'on fait, Allah subhanahu wa ta'ala va uniquement regarder ce qu'on fait en dernier. C'est bon si tu as commencé le Ramadan, tu as fait beaucoup d'efforts, puis qu'à la fin tu cesses de faire des efforts et tu te laisses aller. Tandis que si au début du Ramadan tu as fait peu d'efforts et tu t'es négligé, mais que vers la fin tu t'es rattrapé et que tu t'es repenti à Allah, eh bien, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va compter? C'est ce que tu as fait à la fin. Dans le sens que si tu meurs, eh bien, la façon que tu vas arriver au jour de la résurrection devant Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va te juger sur ce que tu as fait en dernier dans ta vie, et non pas sur ce que tu as fait auparavant. Et donc, c'est pour cette raison qu'il faut toujours essayer de chercher à avoir une bonne fin. Husnul khatima. Et donc, ça c'est un rappel pour nous, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte la repentance. Et celui qui se repent à Allah, Allah accepte pour de lui sa repentance et il est le pardonneur et le miséricordieux. Serviteurs d'Allah, aujourd'hui nous allons expliquer certains points qui ont rapport avec une des grandes adorations de l'islam et c'est la zakat ou le fitr. Et zakat ou le fitr, c'est une zakat qu'on donne à la fin du Ramadan pour purifier notre jeûne et en même temps aussi pour nourrir les pauvres. Et c'est pas la même chose que zakatul islam, zakatul mal. Zakatul mal, qui est un des cinq piliers de l'islam, qu'on doit donner, c'est uniquement pour ceux qui ont les moyens qui sont riches ou qui ont beaucoup d'argent, ils doivent donner sur l'argent qu'ils ont accumulé, sur le surplus de leurs économies, 2,5% lorsque leur bien a atteint le nisab, qu'est-ce qu'on appelle le nisab, c'est-à-dire la limite minimum de ses biens. Donc si ton argent a atteint la valeur qui équivaut à 85 grammes d'or, eh bien à partir de ce montant et plus, tu dois donner 2,5% de ce qui a fait une année, hein, sans que tu y touches, tu paies de cette somme, tu enlèves 2,5%. Ça, c'est zakat ou l'islam. C'est un des piliers de l'islam, une obligation. Tandis que zakat ou l'fitr, c'est différent. C'est quelque chose qui est relié avec le fait de terminer le ramadan. Et donc, on va expliquer donc certaines règles qui sont reliées à zakat ou l'fitr. Premièrement, zakat ou l'fitr est obligatoire à chaque musulman qui est vivant. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, un petit ou un grand, un esclave ou un homme libre. Et ça a été mentionné dans un hadith selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de payer zakat ou l'fitr en nourriture. Et la quantité qu'on doit donner, c'est une sa'. Et une sa', c'était un volume bien connu que les gens utilisaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, comme un cylindre. Et ils le remplissaient de n'importe quelle nourriture, et ça leur donnait un volume de nourriture. Et donc on appelle ce volume une sa'. Et les ulama disent que la sa', elle est approximativement la quantité qui équivaut à lorsque on prend nos deux mains collées ensemble et qu'on les remplit quatre fois de riz ou de grains de blé ou de n'importe quelle autre nourriture. Donc ça, c'est quatre fois le contenu des deux mains, d'une main moyenne. Eh bien ça équivaut à une sa'. Ok. Et peu importe, selon la nourriture en question, eh bien le poids sera différent. Si c'est une sa' de riz, ce ne sera pas le même poids qu'une sa' de date, par exemple. Donc il faut savoir vérifier la quantité qui équivaut à une sa' et le poids qui correspond par rapport à chaque nourriture qu'on désire donner aux pauvres. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une sa' de date ou une sa' d'orge ou de blé. Et il dit que c'est obligatoire à l'esclave, à l'homme libre, à la femme, à l'homme, aux petits et aux grands parmi les musulmans. Et il a ordonné qu'elle soit donnée avant que les gens sortent pour la salat, c'est-à-dire avant la salat de Eid. Et la majorité des ulama sont d'accord pour dire que c'est une obligation, que ce soit de l'époque des salafs jusqu'à ceux qui sont venus par la suite. Tous les savants sont d'accord sur ce fait. Le deuxième point, c'est que même pour le fœtus, on peut payer zakat ou l'fitr. C'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui est recommandé. Et la plupart des salafs, ils donnaient zakat ou l'fitr et ils calculaient si leur femme était enceinte, eh bien ils donnaient zakat ou l'fitr et ils calculaient le fœtus également. Et ça a été rapporté selon certains parmi les tabi'in qu'ils aimaient donner zakat ou l'fitr pour les petits et les grands et même le fœtus dans le ventre de sa mère. Le troisième point, c'est que la personne qui est pauvre, est-ce qu'elle doit donner zakat ou l'fitr ou non? Eh bien, il y a deux catégories deux états dans lesquels on peut considérer quelqu'un comme étant pauvre. La première exemple, c'est la personne qui n'a rien du tout. Elle n'a rien du tout. Dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire pour cette personne de payer zakat ou l'fitr. Ça, c'est selon tous les savants. Et la deuxième situation, c'est lorsque quelqu'un, il a un peu plus que ce qui lui suffit, soit en nourriture ou en argent, et qu'il a un peu plus que ce qui lui suffit pour lui et sa famille, dans ce cas-là, il peut donner zakat ou l'fitr. Et ça, c'est l'opinion de la plupart des savants de l'islam. Le point numéro 4, c'est que Zakatul Fitr, elle doit être donnée de ce que les gens du pays mangent le plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de manger dans leur pays. Dans certains pays, par exemple, les gens, ils mangent du riz. Donc, leur nourriture principale, c'est ça. Dans notre pays, c'est le blé. Dans notre pays, ça peut être la semoule. Donc, chacun selon l'endroit où il vit, et ça peut être, selon certains ulama, ils ont dit que ça peut être même de n'importe quelle autre chose aussi, même de la viande, du poisson, ou d'autres choses que les gens mangent régulièrement. Et également, donc, on doit donner la quantité qu'on a mentionnée tout à l'heure, et c'est une sa', qui est un volume. Le cinquième point, c'est qu'il est permis de donner Zakatul Fitr deux jours, un jour ou deux avant Salat al-Eid. Et ça, c'est une permission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Donc, on peut le donner en avance. Si on craint de ne pas avoir le temps de donner Zakatul Fitr le jour de l'Eid, eh bien, dans ce cas-là, on peut le donner un jour ou deux à l'avance. Et c'est rapporté à ce sujet-là, selon Ibn Omar, il dit que les gens donnaient Zakatul Fitr un jour ou deux à l'avance. Et ça, c'est selon l'accord des savants. Et on peut le donner avant Salat al-Eid, un jour ou deux. Qu'est-ce qui est préférable, par contre, c'est de donner Zakatul Fitr avant la Salat al-Eid, après le Fajr, le jour de l'Eid. Donc, après la salat de Fajr et avant salat al-Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la donnait avant de sortir vers le lieu de prière. Et l'imam Malik a mentionné que les hommes de science aimaient que la Zakatul Fitr soit donnée après le Fajr et avant que les gens s'en aillent pour faire salat al-Eid. Et il faut faire attention de ne pas retarder le fait de donner Zakatul Fitr, c'est-à-dire pas attendre jusqu'après Salatul Eid. Parce qu'après Salatul Eid, eh bien, ce sera calculé comme une sadaqa ordinaire. Ce ne sera pas calculé comme Zakatul Fitr si tu donnes la zakat après la prière de l'Eid. Excepté si quelqu'un l'a retardé pour une excuse, dans le sens que peut-être que cette personne, elle savait pas, ou bien elle était en voyage, elle n'a pas pu le donner, elle n'avait pas ce qu'il fallait pour donner, ou elle savait pas à qui la donner à ce moment-là, ou elle se fiait à sa famille, et sa famille se fiait sur lui. Parce qu'en réalité, c'est chaque personne, il paye Zakatul Fitr pour ceux qui sont sous sa charge. Donc si par exemple, quelqu'un, il a une famille, et que dans sa famille, il y a sa femme, et il a 4 enfants, eh bien, il doit donner Zakatul Fitr pour 5 personnes, y compris sa personne à lui aussi. Sa femme, 4 enfants, plus sa personne, ça fait 6. Donc, ça va faire 6 sa', multiplié par 4, yani 4 fois 6, ça veut dire qu'il va donner le nombre de 4 fois la main. 6 personnes fois 4 moud, ça veut dire 6 sa', 24 moud. Et donc c'est pour dire que ça, c'est la quantité que quelqu'un doit donner selon le nombre de personnes qui est sous sa charge. Et également le sixième point, il n'est pas obligatoire, il n'est pas permis de sortir Zakatul Fitr en argent. On voit que par exemple dans certaines mosquées, ils écrivent chaque année le montant qui équivaut à Zakatul Fitr. Puis ils vont dire, par exemple, cette année, la Zakatul Fitr, c'est 8$ ou 7$. Yani, chaque année, ça change. En réalité, ça, c'est incorrect de donner en argent Zakatul Fitr. Tu dois donner en nourriture. Et si vous la donnez, c'est mieux de la donner vous-même à la personne qui en a besoin. De prendre la nourriture, puis d'aller la donner à la personne qui est dans le besoin ou qui a moins d'argent, qui est relativement plus pauvre. Tandis que si vous donnez de l'argent, ça ne comptera pas comme ça n'a pas été fait. À moins que la personne vous la charge d'acheter la nourriture pour vous, et qu'il va la donner aux pauvres avant la prière de Eid. Parce que dans certaines mosquées, ils ramassent l'argent et ils n'achètent pas de la nourriture avec et ils ne la distribuent pas avant Salat al-Eid. Donc dans ce cas-là, votre zakat ou le fait, elle est bâtie, elle n'a pas de valeur, elle ne sera pas calculée. D'accord? Donc essayez pas de laisser la responsabilité à d'autres. Prenez votre responsabilité vous-même pour payer votre zakat ou le fait. Parce que c'est une responsabilité individuelle avant tout. Que chaque personne doit chercher. Et des fois c'est triste parce que les gens disent oh, mais je ne connais pas les gens qui sont dans le besoin dans ma communauté. Et ça en même temps c'est une honte pour nous parce que comment ça se fait qu'on prie ensemble et on se voit chaque semaine et presque chaque jour pour certains et qu'on ne connaît pas parmi nous ceux qui sont dans le besoin et ceux qui ne sont pas dans le besoin. Ça veut dire qu'on fait juste prier ensemble puis après chacun va de son côté sans même savoir qui de son frère a des besoins ou non. Donc il faut qu'on apprenne à se connaître hein, et à savoir qui dans notre communauté a besoin d'aide et a besoin de support. Donc ça c'est un point très important. Donc de donner en argent, ça compte pas. Et c'est pas quelque chose qui est acceptable. Et donc ça c'est quelque chose qui est très, très important. Parce que les gens ont pris l'habitude de donner en argent. Donc il faut donner en nourriture. Donc ici, celui qui veut donner sa zakat ou le fait, il connaît des étudiants ou des gens qui sont venus ici pour étudier, ils n'ont pas de famille. Souvent, ils ont moins d'argent que les autres. Peut-être que ceux-là, on peut leur donner. Ou des familles, une famille monoparentale, ou bien une famille qui n'a pas beaucoup de moyens, vous allez leur donner zakat. Sinon, il y a des mosquées qui acceptent la zakat en nourriture. Donc, vous allez leur donner la zakat, votre zakat en nourriture, et eux, ils se chargent de la distribuer à ceux qui en ont besoin. Ils ont une liste de personnes et ils se chargent d'aller la donner à chaque personne qui en a besoin avant Salat al-Eid. Et c'est très important que ce soit distribué avant Salat al-Eid. Donc il ne faut pas donner la nourriture à la dernière minute. Parce que si vous le donnez à la dernière minute, eh bien c'est certain que les gens dans la mosquée ne pourront pas aller la distribuer à temps. Et donc votre zakat ne va pas compter. Il y a des gens qui arrivaient quelques heures avant la salat, ils mettaient leur zakat ou le fitr dans la mosquée. Est-ce que quelques minutes ou quelques heures avant la salat, on aura le temps d'aller la porter à des pauvres? C'est impossible. Donc, prenez-vous à l'avance. Vous avez le droit de la donner un jour ou deux à l'avance. Donc, profitez de cette permission. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المسألة السابعة تصرف زكاة الفطر لفقراء المسلمين بالإجماع نقله ابن رشد رحمه الله ولا يجوز أن تعطى لغير المسلمين حتى لو كانوا فقراء وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء رحمهم الله ومنهم مالك والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور ومما يدل على أن الفقراء والمساكين مصرف لها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين والمسألة الأخيرة الثامنة يخرج الرجل زكاة الفطر عن نفسه وعن من يمون من أهله وينفق عليهم من زوجة وأولاد وغيرهم تبعا للنفقة وقد صح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تخرج صدقة الفطر عن كل من تمون من صغير أو كبير وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول وإذا كان الرجل يعيش في بلد وينفق عليهم ويعيشون في بلد آخر فالأفضل أن يخرج عن نفسه حيث يسكن ويخرجونهم حيث يسكنون. Donc pour terminer, il reste deux points à clarifier. Le premier point, c'est que la zakat ul fitr doit être donnée aux pauvres parmi les musulmans, et ça c'est selon le consensus des ulama. Et elle ne peut pas être donnée à des non-musulmans, même s'ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que le but de zakat ul fitr, c'est que les pauvres, le jour de Eid, aient un repas à manger pour fêter avec les musulmans. Donc, c'est pour les musulmans que ça doit être donné. Et parmi les ulama qui ont mentionné ça, c'est la majorité d'entre eux, et parmi eux, Malik, Walayth, Shafi'i, Ahmed, Abu Thawr. Et également, la preuve qu'on donne la zakat ul fitr aux pauvres, c'est rapporté selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de donner zakat ul fitr pour purifier le jeûne du jeûneur des distractions et des péchés qu'il a pu faire, et pour nourrir les pauvres. Et le dernier point, c'est que, comme j'ai mentionné plus tôt dans la première partie, que chaque personne doit donner la zakat ul fitr pour lui-même et ceux qui sont sous sa charge dans sa famille, peu importe qu'ils soient petits ou grands. Et il y a des paroles des ulama à ce sujet-là. Et donc, yani, pour terminer, rappelez-vous que nous sommes encore dans les 10 derniers jours. Rappelez-vous que dans ces 10 derniers jours, il y a Laylatul Qadr. Et c'est une nuit qui vaut 1000 mois. Et donc il y a une grande récompense pour celui qui prie dans cette nuit et qui demande les grâces d'Allah. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la chercher dans les nuits impaires. Donc faites des efforts en particulier dans les nuits impaires, mais ça ne veut pas dire de négliger les nuits paires. Parce que parfois, à cause du décalage, si on a retardé le début du ramadan à cause de on ne pouvait pas voir la lune, hein, le 29e jour de Sha'ban, on a calculé 30. Si on ne pouvait pas voir la lune, peut-être que les nuits impaires sont des nuits paires. Hein? Donc il faut faire attention à ça et donc la chercher dans chaque nuit. Et certains ulama ont dit qu'elle change chaque année. Hein? Ça veut dire qu'une année, elle peut être un jour, et une autre année, elle va être un autre jour. Il ne faut pas s'imaginer que c'est nécessairement la 27e nuit, comme certains s'imaginent à chaque année, et ils font une grosse fête dans la mosquée, ils amènent de la nourriture, puis c'est comme si ça devient une célébration. Et ça rentre dans l'innovation à ce moment-là. Parce qu'il n'y a aucune certitude que c'est la 27e nuit, la nuit de la destinée. D'accord ? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Les talons avec les talons et les épaules avec les épaules. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى